out from every angle in this beautiful world. Music show we how it's simple. Serious stars and walk enjoyable. As walk comfortable and comfortable. When we meet the time, all the people will show love from every angle in this beautiful world. Music show how it's simple. Serious stars and walk enjoyable. As walk comfortable and comfortable. Pourquoi? Et toi, c'est dit pourquoi la terre est ronde? Pourquoi dans ces villes, il y a autant de mains? Avec le love, nos relations sont plus fécondes. À nous de balancer les meilleurs ondes. Et toi, c'est dit pourquoi la terre est ronde? Pourquoi dans ces villes, il y a autant de mains? Avec le love, nos relations sont plus fécondes. À nous de balancer les meilleurs ondes. Yo, Marina Rocco present. Mais c'est pas quoi, c'est les frères de Paris qui jouent à ce Montpella. C'est à l'origine du Congo, de l'Andal, la Madine, la Guadaya, Antony, la Yonou, Rochelle, Faux, Morino, Mapaka, Ragamuffin, Stamina, les Selecta, Duncan, c'est top ça. Et tous les youths, allez, écoutez, sans doute c'est pour toi. Les petits frères, les petites sœurs, blessing pour toi. La musique c'est notre médecine, on l'apprécie pour toi. Et toi, et toi, c'est dit pourquoi la terre est ronde. Il y a autant de mains. Avec le love, nos relations sont plus fécondes. À nous de balancer les meilleurs ondes. Et toi, sais-tu pourquoi la terre est ronde? Pourquoi dans ces villes, il y a autant de mains? Avec le love, nos relations sont plus fécondes. À nous de balancer les meilleurs ondes. When we meet the time, and the people will show love from every angle. In this beautiful world, music show we are simple. Serious stars and walk enjoyable. As we walk profitable. Show love from every angle in this beautiful world. Music show how it's simple. Serious start and walk enjoyable. Cause walk profitable and comfortable. Mon sang s'effondre au fruit de mes racines. Il est la délivrance de beaucoup d'années passées en tant que victime. Je fonds un son happy pour mes frères, mes sœurs qu'on veut mettre dans l'oubli. La musique m'a nous fait voyager. Nous permet de prendre des vibes inoubliables frais. Tout le temps when will be the time when the people will show love from every angle in this beautiful world. Music show we are simple. Serious start and walk enjoyable. Cause we walk profitable and comfortable. When will be the time when the people will show love from every angle in this beautiful world. Music show how it's simple. Serious start and walk enjoyable. Cause we walk profitable and comfortable. Just employing my flow, I'm just testing my flow. To the beat, turn around, stop. Where I'm going, I was born in Congo, Congo from town to town. I'm following the love of a country. Outside connection, that's the truth that the beat. Get I'm a debit of somba, debit of somba, debit of bamba, debit of bamba, debit of bamba, debit of bamba, debit of bamba, debit of bamba, debit of bamba, debit of bamba, debit of bamba, debit of bamba. Qui souffre sur le boulevard de la vie, c'est souple. Garder des mauvais souvenirs, fuir où la terre est tellement grande. Comble de fou, et qu'attendre, laissez-moi vivre, m'épanouir, jouir, sinon mourir ou partir, surtout pas mal finir. Honneur sur les épaules, chaque azou lourd, je contrôle. Big up pour ce entôle, ensemble à l'unisson, tenir nos rôles. Trop de fer qui trop trop parle, peur d'avoir des attaches. Pour un rien, le commun des motels se fâche. Dialogue plus direct, sur une hache. Les cadences, on oublie même comment l'on danse. Trop de regards, foi, rythme, le quotidien, zen. Je ne regrette rien, je me considère comme un saint. Jamais ne fin, doux comme la belle Julia, Omi Chadel, Chandel, Bram, Borina, Stamina, Anthony la haine, quoi, si Afro a fait dans cadre, voilà, vous connaissez ma familia. Show love from every angle, beautiful world music show, we are it simple. Serious talk and walk enjoyable, cause we walk profitable, comfortable. When will be the time when all the people will show love from every angle in this beautiful world music show, how it simple. Serious talk and walk enjoyable, cause we walk profitable and comfortable.